Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu. Adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais. Désormais. Nicoletta sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 11 avril 1939, naissance de Joel Grey, acteur américain, vu dans Cabaret, Buffalo Bill et les Indiens. Sherlock Holmes attaque l'Orient Express dans la série télé Buffy contre les vampires, alias Brothers and Sisters, ou encore Grey's Anatomy. 1944, naissance de Nicoletta, chanteuse française. 1947, naissance de Peter Hegart, acteur américain, vu dans The Mask dans le rôle du lieutenant Mitch Calloway, dans la série télé Les Sopranos dans le rôle du sénateur Ronald Zellman, ou encore dans Les Frères Scott dans le rôle d'Auguste Kellerman. 1966, naissance de Lisa Stansfield, chanteuse britannique, connue pour son titre All Around the World, dont on écoute tout de suite un extrait. So many things, things he didn't know, and I was so, so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, so mad. And I don't think he's coming back. Voilà pour l'extrait de Lisa Stansfield. On continue les anniversaires. 1972, naissance d'Alan Théo, chanteur français. 1974, naissance de Tricia Helfer, actrice et mannequin canadienne, vue dans la série Battlestar Galactica dans le rôle de numéro 6. Mon oncle Charlie, Lie to Me ou encore Esprit criminel. 1981, naissance d'Alessandra Ambrosio, mannequin brésilienne et occasionnellement actrice, puisqu'on a pu l'apercevoir dans Casino Royale, Very Bad Dads 1 et 2, dans le rôle de Karen dans Ninja Turtles 2, dans la série How I Met Your Mother ou encore Gossip Girl. 1984, naissance de Kelly Garner, actrice américaine vue dans Aviator dans le rôle de Faith Domergue ou encore dans la série Parents à tout prix dans le rôle de Tracy. 1984, naissance de Nicolas Karabatic, joueur français de handball professionnel depuis 2002 qui a joué à Montpellier, à Kiel, de nouveau à Montpellier, au Pays d'Aix, à Barcelone et depuis 2015. Il joue pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et à noter qu'avec l'équipe de France, il est double champion olympique en 2008 et 2012, quadruple champion du monde 2009, 2011, 2015, 2017 et triple champion d'Europe 2006, 2010 et 2014. 1994, naissance de Dakota Blue Richards, actrice britannique vue dans La Croisée des Mondes, La Boussole d'Or dans le rôle de Lyra Belleca dans la série télé Skins dans le rôle de Frankie Fitzgerald. En 2009, c'est Morgan Lilly, actrice américaine vue dans 2012, X-Men le commencement dans le rôle de Raven à l'âge de 10 ans, ou encore dans les séries Les Experts et Esprit Criminel. À noter qu'en 1977, décédé Jacques Prévert, poète, scénariste et dialoguiste français. En 2005, décédé Lucien Laurent, footballeur français, connu pour être le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde de foot en 1930. En 2006, décédé June Poyter, chanteuse américaine, et également Daniel Rialet, comédien français, connu pour son rôle de l'inspecteur Joseph Blumet dans Navarro, celui de Jean-Pierre dit JP dans Les Monos, et celui du père Erwan Vernou dans Père et Mère. En 2010, décédé Jean Boiteux, premier champion olympique de natation français, grâce à sa victoire sur 400 mètres nage libre, c'était à Helsinki en 1952. Et en 2017, décédé Marc Weinberg, chercheur canadien, pionnier de la recherche sur le sida. Allez, comme tous les mercredis, on va faire un point sur les sorties cinéma et on commence avec un film attendu pour la plupart. C'est Taxi 5, film d'action réalisé par Franck Gastambide. Il joue également dans le film, aux côtés, entre autres, hein, de Malik Bentala, Bernard Farcy. Il y a également Soprano qui fait un petit passage dans le film. Enfin voilà, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu pas mal d'extraits et il a l'air pas mal du tout. Hein. On revient à l'origine hein, de Taxi. C'est vrai que les derniers volets de la saga avaient pu décevoir. Eh bien, voilà, Taxi 5, à mon avis, ça va pas mal cartonner. On verra bien. Allez, autre film, c'est Luna, comédie dramatique d'Elsa Dieringer avec Laetitia Clément, Rod Parado et Lina Koudry. Autre film, Sherlock Gnomes, un film d'animation de John Stevenson avec en voix originale notamment Johnny Depp. Autre film d'animation, L'île aux chiens de Wes Anderson avec les voix françaises de Vincent Lindon, Isabelle Huppert ou encore Romain Duris. Et enfin, dernier film, Kings, un drame de Dennis Games Erguven avec Ali Berry, Daniel Craig et Callan Walker. Voilà pour les sorties cinéma. On va tout de suite marquer une seconde pause musicale avec Alan Théo et son titre Emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Emmène-moi. Elle a Emmène-moi à Alan Théo sur le 107 FM. Il est 8h46, tout juste passé de quelques secondes. On parle maintenant météo. La météo. Et alors aujourd'hui, après dissipation des brouillards matinaux qui persistent encore un petit peu hein, sur Remiremont, eh bien on va passer la journée sous le soleil. Des températures qui sont fraîches. Hein. Ce matin, elles sont comprises entre 1 et 2 degrés. Et cet après-midi, ce sera plutôt entre 16 et 18 degrés. Pour jeudi, journée mitigée, alternance d'éclaircies et de pluie. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 15 et 17 degrés l'après-midi. Pour vendredi, journée mitigée également. Des températures comprise entre 7 et 8 degrés le matin et entre 15 et 16 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue des Champions, quart de finale, retour et Liverpool hein, qui s'est qualifié en s'imposant 2-1 hier soir sur la pelouse de Manchester City. Et l'AS Roma a réussi l'impossible en s'imposant 3-0 hier soir face au FC Barcelone. Et grâce à cette victoire 3-0, eh bien, l'AS Roma eh bien, s'est donc qualifié pour les demi-finales. Ce soir, quart de finale, retour entre le Real Madrid et la Juventus. De Turin. Le Real s'était imposé 3-0 à l'aller et le Bayern Munich reçoit le FC Séville. Le Bayern qui s'était imposé 2-1 à l'aller. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Marrakech et hier l'élimination d'Emery en 2-7 face à Garcia Lopez, 6-2-6-2. Aujourd'hui, Richard Gasquet affrontera Garcia Lopez et Gilles Simon lui sera opposé à Carbayes Buena. Et à Lugano, apparemment, les matchs de nos Françaises n'ont pas eu lieu hier. Elles joueront donc normalement, aujourd'hui, je vous le rappelle, Kocianne Dodin terminera son match face à Van Duk Vonk et Alizé Cornet, elle affrontera Tekman. Un mot de basket en NBA. Cette nuit, l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum à 14 points s'est imposée en Indiana 93-119. L'équipe de Washington de Miami, 3 points, 8 rebonds, s'est imposée 113-101 face à l'équipe de Boston, privée de Yabusele qui est blessée. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 13 points s'est imposée 119-79 face aux Golden State Warriors. Un mot de handball, messieurs, puisque hier, nous avons appris que Daniel Narcisse prendrait sa retraite à la fin de la saison. Un pilier de l'équipe de France, notamment, qui va donc bien s'arrêter. Et un petit mot de hockey sur glace avec les messieurs. On connaît la liste des joueurs retenus pour les matchs de la République tchèque qui vont avoir lieu dans quelques jours. Alors, l'équipe de France sera composée ainsi. En gardien de but, on aura Hardy, Kemner et Ilionen. En défense, sont retenus Ovitu, Bech, Chakiachvili, Galet, Ekfeuille, Janil, Manavian et Rau. Et côté attaquant, sont retenus dans ce groupe Bouvet, Clairaut, Stéphane Dacosta, Teddy Dacosta, Doué, Fleury, Gutig, Lamperrier, Leclerc, Perret, Rec, Ritz, Texier et Sacha Traille. Et autant dire eh bien, qu'on approche un peu plus hein, de la composition finale de cette équipe de France qui va donc disputer les Mondiaux le mois prochain, je vous le rappelle. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec les Pointer Sisters et leur titre « I'm so excited ». Les Pointer Sisters sur RJM, il est presque 8h55, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on fait un point sur toutes les émissions qui vous attendent aujourd'hui. 9h, Regarde ailleurs, 10h, Les Ados, midi, La Bulle de l'IA consacrée à Vitel Tanur, oui, c'est ça. À 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou consacrée à Christophe Maé aujourd'hui. 14h, portrait civique avec Camille. 18h, l'heure des loups avec Lou consacrée à le Brame des Arts. 19h, fleur de peau avec André. 21h, ce sera la rediffusion soit de Vincent, soit de François. Et minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Quant à nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.